perché se si getta la corda alla fine non c'è nulla. Comunque io sto piangendo, comunque io sto piangendo. Je pleure pour rien, je pleure pour rien. Parce que si vous jetez la corde à la fin, il n'y a rien. Cependant je pleure, cependant je pleure.